réflexion et médication. Ils te contrôlent, ouais, comme un pion. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. Un coup de cacheton, médication. Ils te contrôlent, ouais, comme un pion. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. Assommé avec la camisole chimique, c'est les nouvelles prisons, voyez véridique, sans paration, vois-tu, c'est pire qu'un coup de fric. Les paroles telles creusent comme un arc électrique, on manipule ton esprit à coups de bombes chimiques. Toxicaux, soins médicaux, voyez, c'est identique. Relève la tête avant d'être une marionnette, car plus que de leur boulette et plus ça va mal dans ta tête. Obligé de prendre tes produits pour que ça règne dans ta vie. Mais alors, voyez, arrête un peu d'être un zombie, Babylone manipule ton esprit. Ouais, cesse un peu ces produits. Ouais, cesse ces conneries. À coup de cacheton et médication, ils te contrôlent, ouais, comme un con. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. À coup de cacheton et médication, ils te contrôlent, ouais, comme un con. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans des murs de béton. Babylone endormi les lions. Ils te donnent du cerise, ça soi-disant pour stopper le jaja. Mais t'es plus pas de la gadade si t'avais pris de l'arabe. Une dose de 30 scènes et hop, tu n'as plus la haine. Mais yo, toutes tes merdes, coup de bruyant tes veines. Et ça, ouais, vois-tu, ça me fait de la peine. Solution fatale pour stopper l'animal. Toxico-légal, quelque chose devenu banal. On n'entend plus l'animal, on dort à coup de ration médicale. On n'endort plus l'animal. On le rationne à coup de ration médicale. Mais you, est-ce que tu trouves ça normal? À coup de cacheton, médication, ils te contrôlent, ouais, comme un con. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. À coup de cacheton, médication, ils te contrôlent, ouais, comme un con. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. Avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. À coup de cacheton, médication, ils te contrôlent, ouais, comme un con. Ils t'enferment avec des camisoles de fiction, encerclés dans ces murs de béton. Babylone endormi les lions. Babylone endormi les lions. À coup de ration.